Tous donc de chaque tête. Encule tous ces putains de merdeux, qu'ils crèvent tous. Aussi c'est l'unité de feu. Cessez donc de jacter, bande d'enculés. Kevin Ramos U de F. Ok, cesse donc de jacter, branleur. Personne peut égaler l'empereur. On laisse les tasper en pleurs, mec. Nous on n'est pas des menteurs. On a une armée de chanteurs venus des sous-sols, des vrais court-couronnes. On a des revendeurs de toutes sortes. Bouffonne, on blague pas. On pénètre dans ta casse-bas. On va te faire la hagla et te mettre une hasba. J'introduis des mots arabes, je blesse les gros tahan, lèche leur flow n'a pas de pêche face à Jonathan H. Jeunesse oblige, baby, c'est Auschwitz. Faut que je baisse le showbiz. Qui tape chaud la chaude pisse. On va s'asseoir sur le trône et boire du chrome royal. Effet 360 degrés comme à la foire du trône. Foyard, loyal et qui n'a pas de diplôme. Ma patrie chôme et souffre quand elle a pas pris le chromie. Paraîtrait qu'il faudrait se taire. Je veux être riche comme Rich Forrester. Laisse ton speech au vestiaire, on a un flot d'experts. Ici y'a trop d'amateurs ou des gros arnaqueurs. Des sales connards d'acteurs qui ne savent pas que c'est Alain le programmateur. Cesse donc de jacter et prends-leur. Voilà l'étrangleur, venu éclater le sampleur. Au mic c'est Jack les ventreurs. Une sacrée splendeur, je porte l'armure de Pégase. Éblouis les M6 à l'allure de pédale. Je vois la vie en rose, une rose qui n'a plus de pétale. En attendant qu'elle m'allume, je m'amuse, je pédale. Avec la fume, je m'évade. Je veux voir mon cou dans les annales et dans les anus des pétales. Bref, boisson à autre chose, boisson à grosse dose. L'alcool vient pester vos chansons à l'autre rose. Attention à nos proses, une rime perdue perturbe le rap game. Les concurrents sont à l'hosto. Ça peut être bizarre, y'a le blizzard à l'approche. Seul les vrais scars la accroche au beat. Tony Denza à la prote. Mais au chrome, industrie des ténèbres. Profite de la tuerie éphémère, mon écurie est célèbre. Just to prove it.